Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Web Musique, c'est une émission qui vous propose une sélection de musique que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour ça, ben, c'est assez simple. Rendez-vous sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous allez avoir accès à tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Cette semaine, j'étais un peu pressé, donc la sélection s'est faite d'une façon complètement aléatoire. J'ai fait random sur mon ordinateur, puis je vous présente qu'est-ce que ça a donné. Donc, mon ordinateur a quand même fait un choix quand même assez intéressant. On va débuter avec un artiste de la Latvie qui s'appelle Perez One. Je vous fais passer sa pièce Flashback. Ça, c'est sur l'étiquette française Vorbic. Puis ensuite de ça, Exilis, un artiste dont j'ai aucune information. C'est sur le netlabel Sky Society, un netlabel qui vient de l'Ukraine. Je vous fais passer la pièce Brand New Second Hand. Donc, pendant les pièces, si ça vous tente, vous pouvez m'appeler au 418-640-1586. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions ou si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir. Si vous écoutez l'émission balado-diffusion, ben, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel à webmusique@gmail.com. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un peu de feedback. Donc, ben, c'est ça, on débute tout de suite avec Perez One, la pièce « Flashback ». Ben oui, ça se peut du techno hardcore mélangé avec du reggae. C'était Exilis, la pièce Brand New Second Hand. C'était sur le netlabel Sky Society, un excellent netlabel qui vient de l'Ukraine. Allez voir leur blog, c'est vraiment tordant. Ils ont toutes sortes de vidéos, pas juste des trucs qui se rapportent à leur netlabel. C'est une belle gang de curieux. Avant ça, excusez-moi, on avait débuté l'émission avec Perez One, un artiste de la Latvie. C'était la pièce Flashback. Donc, on va poursuivre avec un artiste qui nous vient de la ville de Laval. Donc, c'est Mr. Moods, un excellent artiste que j'adore. Je vous fais passer sa pièce Illuminations. Ça, c'est sur le netlabel Dusted Wax Kingdom. Ensuite de ça, sur Up It Up Records, il s'agit du Roumain Candlestick Maker. Je vous fais passer sa pièce Faking Sleep, une autre excellente pièce. Donc, on écoute tout de suite Mr. Moods. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. Vous venez tout juste d'entendre le Roumain qui s'appelle le Candlestick Maker. Sa pièce s'appelle Faking Sleep. C'était sur son excellent album qui s'appelle A Life in a Day. C'est sur le netlabel Up It Up Records, un netlabel qui vient de l'Allemagne. Avant ça, de la ville de Laval, Mr. Moods avec sa pièce Illuminations. Son album est vraiment excellent. Je vous invite à le télécharger gratuit et le partager avec vos amis. C'est vraiment un excellent album. Donc, c'est ça. On va poursuivre l'émission avec un artiste qui vient de la ville de Cologne en Allemagne, une ville où est-ce qu'il y a énormément d'artistes qui publient sous licence Creative Commons. Donc, beaucoup d'artistes qui sont impliqués dans le monde du net audio. L'artiste s'appelle Dagoty. Je vous fais passer sa pièce Lars Don't Like It. C'est sur le netlabel WM Recordings, un netlabel qui vient des Pays-Bas. Donc, on écoute tout de suite Dagoty. Saint-Joseph-Est, le trait d'union cercle.ca. Le Radioton 2010 de CKRL arrive à grands pas et Sillon le disquaire décide d'investir et de s'investir. Le réputé disquaire indépendant de Québec offre la chance de gagner un bon d'achat d'une valeur de 300 $ à tous ceux et celles qui auront fait un don d'un minimum de 10 $ avant le vendredi 16 avril, 16h. faisant un don sur sillon.com ou en appelant à la réception du 89.1 au 418-640-2575. Du 16 au 18 avril, c'est le Radioton de CKRL, la radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Avant la pause, on entendait Dagoty, un artiste de la ville de Cologne en Allemagne. C'était sa pièce Lars Don't Like It. Lars, ben, vous l'avez peut-être compris, il s'agit de Lars Ulrich, le chanteur de Metallica qui s'est aliéné ses fans. Quand le groupe a poursuivi Napster, c'est une pièce qui fait référence à ça, puis qui parle un peu du téléchargement gratuit donc par les licences Creative Commons. Une pièce vraiment intéressante, la petite musique d'ascenseur avec du gros heavy metal, donc une pièce vraiment intéressante. Bien, on va poursuivre avec un artiste qui s'appelle Q's. Je vous fais passer la pièce Ha Ha Ha. C'est sur le net label Stiga Music. Ensuite de ça, sur tcelectropunk.com. C'est net label qui fait des compilations de musique assez variées, à tendance brutale la plupart du temps. Je vous fais passer Obesity. La pièce s'appelle Consume Until Rupture. Donc, ben, c'est ça. On écoute avant. Cues. Thank you. gifts that are lost, like your precious influence that are fun. Till the rat to continue consuming the world at a rate that would enrage your own god, that you use as a shield to defend your flaws. J'adore les groupes qui mélangent les genres, donc il s'agissait de Obesity. C'était la pièce Consume Until Rupture. C'était sur tcelectropunk.com, Netlabel qui fait des compilations. Ils sont déjà rendus à leur cinquième. Celle que vous avez entendue, c'était sur la deuxième compilation du Netlabel. Avant ça, de l'Allemagne, c'était Q's avec la pièce Ha Ha Ha. C'était sur Steger Music. Puis donc Q's... Téléchargez l'album, vous allez voir, c'est pas mêlant, c'est vraiment excellent. On va poursuivre avec 41, la pièce Bright-Headed Churchgoer, c'est sur le défunt Netlabel Comfort Stand Recordings. Heureusement, ils ont toujours leurs albums qui sont disponibles en téléchargement, donc je vous invite à aller faire un tour de leur côté, ils ont des trucs vraiment intéressants. Après 41, on va entendre Rubber Band Banjo, la pièce Naked Under Leather. C'est sur Fringe Biology Recordings. Donc, ben, pour tout de suite, à Web Music, on écoute 41. And now, here's an all-time favorite made several years back. Thank you. You're the best looking mouse in the joint. Thanks, rat. C'était Rubber Band Banjo avec la pièce Naked Under Leather. C'était sur Fringe Biology Recordings. Donc, vous écoutez toujours l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. Avant la pièce de Rubber Band Banjo, on entendait 41 avec sa pièce Bright-Headed Churchgoer. On va poursuivre avec un artiste qui vient de l'Islande du nom de Bleary-Eyed Globe. Je vous fais passer la pièce de Snakes. Ça, c'est sur Weird and Wired, un autre excellent netlabel. Donc, on écoute ça tout de suite, Bleary-Eyed Globe. C'était la pièce de Snakes par l'artiste islandais Bleary-Eyed Globe. C'était sur le netlabel Weird and Wired. Ben, malheureusement, c'est déjà tout pour Web Musique. Je vais vous laisser sur une dernière pièce. Avant ça, ben, comme à l'habitude, je vous rappelle de venir faire un petit tour sur le blog de l'émission. Vous allez retrouver toutes les pièces entendues à l'émission et vous allez pouvoir les télécharger. Donc, rendez-vous donc au www.webmusique.org. On va se laisser sur une pièce de Sob. C'est un artiste autrichien. Je vous fais passer la pièce de Monk Tune. Ça, c'est sur le netlabel Plain Audio. Ensuite de ça, ben, l'émission Poil de carotte n'aura pas lieu. Donc, ça va être plutôt une sélection de notre directeur musical, Daniel Marcoux. Je vous invite à rester à l'antenne de CKRL pour de la bonne musique. Puis nous, ben, c'est ça, on se laisse sur une pièce de Sob. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Musique. Bonne soirée. Thank you. We'll be right back. On investit dans la bourse, dans sa carrière, dans sa vie amoureuse et dans la culture. On a 8 lettres à vous dire. C-A-R-L. La Radio culturelle de Québec vous propose d'investir en elle. Tout ce que vous cherchez sous un même toit virtuel. 89. C'est un miracle. Du 16 au 18 avril, c'est le Radioton, organisé au profit de la première radio communautaire francophone d'Amérique du Nord. Pour l'occasion, les artisans de la station vous proposent 3 jours de festivités. Raymond, mon amour, reviens à la vie. Ils sont là pour nous appuyer. Nous sommes sauvés. Une programmation spéciale, des invités de marque et une foule d'activités qui vous donneront des ailes et la folle envie d'investir dans votre radio. 89. Du 16 au 18 avril, investis ta radio. Heureusement que nos auditeurs nous sont fidèles. Le samedi 17 avril, CKRL vous invite à un jour de fête. De 10h à 17h sur la 3e avenue, entre la 4e et la 6e rue, les piétons de tous âges seront rois. Une pléiade d'activités, de kiosques et de spectacles célébreront le printemps et CKRL en profite pour sortir dehors. Nous diffuserons à l'extérieur toute la journée, sous vos yeux, avec notre programmation spéciale Radio-Temps. Au programme, dégustation de tir, escalade, jeux et animations pour tous. Le samedi 17 avril, investissez votre radio et la 3e avenue pour prendre part à un jour de fête. Salut, c'est Pépé. Je veux vous dire que la meilleure sauce à spaghetti de toute la grande région de Québec et de Portneuf, ben c'est moi qui a fait. Et dans le cadre du Radioton 2010 de CKRL, je vous mets au défi d'en faire une meilleure que la mienne. Je pense sincèrement que c'est impossible. Mais bon, apportez votre sauce à spag dans un contenant hermétique et la liste des ingrédients à CKRL au 405 3e avenue avant le 13 avril. Le gagnant sera déterminé lors du dîner spaghetti du Radioton dimanche 18 avril. Venez voter pour la meilleure sauce au Café Nagua entre 12h30 et 14h. Just